Le vif de l'histoire avec vous, Jean Lebrun. Nous passerons donc à nouveau sous le régime du couvre-feu à partir de mardi. Ça vous a donné envie de relire un historien de la nuit parisienne, Louis Chevalier. C'était comme vous, un enfant de la côte vendéenne. Oui. Quand il pleuvait sur la mer à l'Aiguillon, c'est pas loin de chez vous. Oui. Il avait entendu deux anciens revenus au pays raconter que les Parisiens, quand venait la nuit, ne tenaient plus en place. À mesure que le jour se retirait d'eux, on aurait dit que la nuit leur montait à la tête. Louis, à son tour, était arrivé jusqu'à la capitale, à l'école normale supérieure. Il avait de suite élu les quartiers qui permettaient les expériences nocturnes. Les lieux peuplés d'existences problématiques, disait Balzac. Vous savez, les Jules, les traînes savates, les filles. Alors les maîtresses de maison des beaux quartiers, qui ignoraient ses goûts, l'avaient néanmoins invité à leur table à cause de ses diplômes. Et pendant l'occupation, il acceptait, parce qu'il fallait bien manger. Il se souvenait d'un repas qui s'était prolongé après le couvre-feu. La dame qui recevait avait distribué des lits aux uns et aux autres, concluant d'une voix très comédie française. Quant à l'abbé, un prêtre mondain se trouvait là. « Je le prends dans ma chambre avec une dame de mon âge. Son vœu de chasteté sera en de bonnes mains. » Tu parles, c'était dit Chevalier. Les histoires de la vie parisienne des années 50 et 60 qu'il rassemble se passent au pied de Montmartre, le Montmartre du plaisir et du crime, ou autour des portes Saint-Denis et Saint-Martin, et puis au Halles. Parce que c'est la chair, la viande, le corps qui l'intéressait. Bon, il avait été un pionnier de la statistique historique, vous savez, les mouvements chiffrés des classes laborieuses et des classes dangereuses. L'expression, c'est lui, de la révolution industrielle. Ah. Les morts du choléra, 1832. Élu à 40 ans au Collège de France, il s'était ensuite arrogé le plaisir de tenter une toute autre histoire en recueillant des histoires et en y cherchant au plus profond le roman. Il enseignait aussi, Bruno, à Sciences Po. Oui. La direction avait accepté qu'il tienne ses séminaires au Halles, justement, dans un bistrot, et qu'il demande à ses étudiants de travailler de nuit. Son objectif, c'était de publier des sommes du genre « Mémoire d'une voyante de Strasbourg-Saint-Denis » ou encore « Récit d'un taxi de nuit ». Alors celui de ses étudiants qui s'était attelé à cette tâche ne l'acheva pas, il mourut assassiné. Ça alors, mais le meurtre, dites-vous, n'avait pas eu lieu au Halles, car pour Chevalier, c'était le lieu de la bonne santé. Bah oui, avec des gaillards bien baraqués, comme il les aimait. Il a vécu un long moment avec un ancien matador. Et des filles aux formes pleines et resplendissantes. Alors Chevalier arrivait au Halles quand on entrait dans la nuit, vers 18h, le haut moment des amours coupables dans les hôtels du quartier. Il observait aussi ce qui se passait dans les cinémas, au niveau du balcon en particulier, là où les ouvreuses entassaient la viande qu'elles avaient achetée au Halles. Mais il n'y avait pas que la viande qui était agissante. Puis c'était le travail qui dominait, ce qui n'empêchait pas certains commis d'aller faire, vite fait, satisfaire un besoin qui est naturel, hein, il le présentait comme tel. Moyennant quoi, quand les étudiants tenaient ensuite séminaire au bistrot et parlaient de sexualité, les fordéales riaient à gorge déployée. Mais c'est quoi ce mot? Alors on imagine le raffut qu'aurait pu provoquer un étudiant s'il avait cité Kant, vous savez. Deux choses me remplissent l'esprit d'admiration, le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. La loi morale, pour Louis Chevalier, la nuit, rapprochait les forts et les filles des Halles de l'état de nature. Et puis, les Halles ont disparu. Et Louis Chevalier s'en désolait. Le transfert du Grand Marché central et la construction du centre Pompidou le firent crier à l'assassinat de Paris. C'est son livre le plus célèbre. Pourtant, il croyait à la persistance dans la ville de traces invisibles au premier regard. Ainsi, les homosexuels qui draguent aux Tuileries ne savent sans doute pas qu'ils y ont été précédés par d'autres dès le XVIe, trois siècles avant même que n'ait été inventé le mot homosexuel qui les désigne. C'est la force de l'histoire que de ne pas avoir besoin d'être consciente pour exister. Alors celle de la nuit parisienne devrait apprendre à ne pas s'étonner. D'ailleurs, Bruno, qui aurait jamais cru à un retour du couvre-feu? Sans doute va-t-on entendre de nouveau la phrase qu'aimait Louis Chevalier quand l'électricité manquait dans les années 40. Venez demain soir, il n'y aura pas de lumière. Magnifique. Venez demain soir, il n'y aura pas de lumière. Merci Jean Lebrun. Bon week-end à vous. C'est un week-end sans intelligence service, exceptionnellement. Journée spéciale, 5 ans de la COP21 demain sur France Inter. Mais intelligence service, il y a tous les numéros précédents sur franceinter.fr et en podcast.